L'Évangile selon Marc. Si dans nos Bibles, Matthieu précède Marc, cela ne veut pas dire que la rédaction de Marc ait été postérieure à celle de Matthieu. Encore moins que Marc ait copié sur le texte déjà rédigé par Matthieu. Marc devait être très jeune au moment du ministère terrestre du Seigneur Jésus. Par la suite, il entra au service de l'apôtre Pierre, devenant en quelque sorte son bras droit. Pierre, dans sa première épître, chapitre 5, verset 13, parle de Marc comme de son fils, terme qui en dit long sur l'intimité entre l'apôtre et son serviteur. Certains commentateurs identifient aussi l'évangéliste Marc à Jean-Marc, ce jeune homme qui accompagna les apôtres dans leur premier voyage missionnaire. L'apôtre Paul le mentionne aussi dans les épîtres aux Colossiens, à Timothée et à Philémon. S'il incombait à Matthieu de présenter Jésus comme roi, Marc nous le décrit comme serviteur. Marc était serviteur lui-même. Aussi avait-il été conduit à apprécier les qualités du service parfait de Jésus-Christ. Et le Saint-Esprit s'est emparé de Marc pour qu'il mette en évidence cette caractéristique du Sauveur. Dans toutes les pages de son évangile, Marc dépeint son Seigneur comme celui qui est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. J'ai cité ici le verset qui peut être considéré comme le thème central de l'Évangile et qui se trouve au chapitre 10, verset 45. Marc ne s'arrête ni sur la naissance, ni sur la généalogie de Jésus-Christ. Il entre immédiatement dans le vif du sujet, le ministère terrestre du Sauveur. Jésus s'est mis au service de ceux qu'il veut sauver, puis ceux-ci servent d'autres en leur proclamant le salut en Jésus. Cet évangile fait aussi ressortir les soins que le Seigneur prodigua à ceux qu'il formait à son service. Il est souvent le seul des quatre évangiles à montrer les répercussions des événements sur les disciples, les réponses du Seigneur à leurs questions, sa patience à leur égard ou l'éducation spirituelle dont ils furent les objets. Jésus-Christ était au service de tous, des pécheurs qu'il voulait sauver et des disciples qu'il voulait former. Aussi, le texte de Marc relève-t-il très souvent les actions spontanées et immédiates du Seigneur. Au premier chapitre, il est question de lépreux. Jésus étend la main sur lui et le texte indique « aussitôt la lèpre le quitta ». Au deuxième chapitre, c'est le cas d'un paralytique à qui Jésus offre pardon et guérison. Il est dit de cet homme, il se leva à l'instant, prit son lit et sortit en présence de tout le monde. Au chapitre 3, un homme à la main sèche est guéri instantanément dans la synagogue. Au chapitre 4, les disciples sur la mer sont menacés par la tempête, mais dès que le Seigneur parle, le vent cesse et il se produit un grand calme. Au chapitre 5, un démoniaque est délivré sur le champ. Puis c'est le cas touchant de la guérison d'une femme malade, récit sur lequel nous voulons nous arrêter quelques instants. Voulez-vous lire avec nous Évangile selon Marc, chapitre 5, versets 25 à 34 ? Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. » Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et, se retournant au milieu de la foule, il dit, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent, « Tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché ?» Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Mettez-vous à la place de cette femme. Elle a dépensé tous ses biens. Son état est allé en empirant. Elle entend parler de Jésus. Elle s'approche de lui par derrière et touche le bord de son vêtement. Aussitôt, elle est guérie de son mal. Et aussitôt, le Seigneur connaît qu'une force est sortie de lui. Jésus n'est pas un sauveur collectif, mais individuel. Il est sensible à chaque détresse et il prononce le mot de grâce et de libération dont cette femme a besoin, pas seulement pour son corps, mais surtout pour son âme. « Ta foi t'a sauvé, va en paix !» Vous avez peut-être un problème précis, et je ne parle pas ici de vos maladies physiques, mais de vos souffrances morales, car le Seigneur Jésus considère toujours l'âme en priorité sur le corps. Vous avez cherché partout des solutions à votre situation, et vous n'avez trouvé que des médecins impuissants devant votre cas. Vous ne pouvez supporter plus longtemps cette souffrance morale. Vous avez besoin d'une délivrance que Jésus-Christ seul peut vous accorder. Faites un acte de foi comme cette femme. Vous n'avez pas à toucher un vêtement ou une relique quelconque, mais par la foi et en priant, vous pouvez vous approcher du Sauveur exactement comme elle. Cette femme est venue par derrière. Elle voulait rester cachée, peut-être un peu comme vous, qui aimeriez vous cacher, garder l'anonymat et venir au Sauveur sans que les autres le sachent. À vrai dire, vous aimeriez voir sans être vu, en cet instant. Pourquoi ne pas vous mettre à genoux et venir à Jésus-Christ en toute simplicité? Il peut vous dire, à vous, maintenant, « Ma fille, mon fils, ta foi t'a sauvé, va en paix. » En cet instant, vous pouvez devenir enfant de Dieu, sauvé par la foi en vertu de la grâce de Jésus-Christ. Et en cet instant, vous pouvez recevoir la paix de Dieu qui surpasse intelligence. Mais poursuivons notre survol de l'évangile selon Marc. Dans ce même chapitre 5, Jésus guérit une fillette de 12 ans. Nous lisons à son sujet, évangile selon Marc, chapitre 5, verset 42. Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher. Ce mot « aussitôt », indice du service parfait de Christ, nous le retrouvons au chapitre 6, lorsque Jésus oblige les disciples à monter dans la barque. C'est dans la tempête que Jésus les rassurera. Au chapitre 7, le Seigneur guérit un sourd de qui nous lisons « aussitôt ses oreilles s'ouvrirent ». Au chapitre 8, c'est la phrase « aussitôt Jésus monta dans la barque ». Au chapitre 9, ce mot « aussitôt » se retrouve deux fois dans le récit de la guérison d'un enfant possédé. Au chapitre 10, il est dit de Bartimée, l'aveugle guéri, qu'il recouvra aussitôt la vue et suivit Jésus dans le chemin. Et plus on s'approche de la fin de l'évangile selon Marc, plus on se rend compte de la perfection du service de Jésus-Christ, le serviteur de l'Éternel. Il est à la disposition de tous. Il forme ses disciples en les préparant aux heures difficiles qu'ils connaîtront avant et après sa mort. Il prend le temps de répondre aux attaques de ses ennemis, montrant d'avance, par un enseignement précis et par des paraboles, le sort de la nation d'Israël devenue spirituellement aveugle. Le chapitre 13 est très actuel, car le temps dont Jésus parle à ses disciples au Mont des Oliviers est en réalité le nôtre, puisque nous sommes arrivés, nous, à la fin du temps de la grâce de Dieu. Puis, Marc, chapitre 14 et 15, décrivent en termes à la fois sobres et pathétiques les événements de la Passion. Le Seigneur donne sa vie. Après le service parfait, c'est le sacrifice parfait. Et le lecteur de ces pages sacrées ne peut que conclure avec l'officier de l'armée romaine qui assistait à la crucifixion. Assurément, cet homme était fils de Dieu. Et c'est encore en des termes simples et saisissants que la résurrection de Christ nous est décrite au chapitre 16 de l'évangile selon Marc. Alors, le Seigneur confie une nouvelle mission aux disciples. Nous lisons au verset 15 de ce chapitre. « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Jésus-Christ a servi, il a travaillé, il s'est abaissé au-dessous de tous. Il a donné à ses disciples un exemple pour qu'ils suivent ses traces. Maintenant, c'est aux disciples de servir et de continuer l'œuvre. Et le Seigneur s'engage à les soutenir dans cette tâche. Le dernier verset de l'Évangile le déclare. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Marc est l'évangile du parfait service. Aussi était-ce dans la ligne de sa mission qu'il s'achève avec une promesse précise adressée à ceux qui aujourd'hui suivent Jésus-Christ, le parfait serviteur, pour le servir à leur tour. Le Seigneur s'engage à travailler avec tous ceux qui voudront suivre ses traces et agir comme lui, près de lui et pour lui. Pourquoi n'y aurait-il pas parmi vous un futur serviteur, une future servante de Dieu disposée à suivre les traces du Maître? Il n'est pas de plus grand bonheur ici-bas que de donner sa vie à Jésus-Christ pour qu'il l'emploie à son service. Le monde n'a pas besoin de moralistes ou de sermonneurs. Il attend des hommes et des femmes qui se donnent par amour pour Jésus-Christ et pour les âmes. Si vous acceptez de suivre les traces de Jésus-Christ, parfait serviteur, en vous plaçant au service des autres, la promesse de l'Évangile selon Marc, chapitre 16, verset 20, s'accomplira aussi pour vous. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Et le plus grand miracle, c'est de voir des âmes perdues dans leur péché passer des ténèbres à la lumière, des tourments de l'âme à la paix du cœur, de la perdition éternelle à la vie éternelle avec Christ.